Les 7 et 8 courants, les agences de presse TASS et Interfax, la radio Sputnik de Russie, la télévision presse et la radio Fars Today de l'Iran, l'agence de presse Chine Nouvelle, les agences de presse Gyodo et Zizi, la radio NHK du Japon et la paix des États-Unis ont présenté les réponses du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères données aux questions du correspondant de l'agence télégraphique centrale de Corée du fait que le Conseil de sécurité de l'ONU a mis en cause nos exercices réguliers de lancement de missiles balistiques. Surtout, la télévision presse iranienne a émis la photo du maréchal Kim Jong-un qui dirige les exercices de lancement des missiles balistiques des troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée.